Charline. Oui, Laetitia. J'ai les Chippendales à côté de moi. Ah. Alors, Gaillet. On la ramène moins. Alors. Oh, je la ramène pas du tout. Montrez un passage d'antenne, Laetitia Gaillet. Bonjour. Voilà. Voilà. Alors, tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout. Ah, c'est décevant, en vrai. Avec les talentueux. De Alex Vizorek. Voilà. Et Maurice. Et voilà. pardon. Guillaume Meurice. Voilà. Ah, voilà. Ça se passe autrement quand on les a physiquement avec soi. Hein. Ouais. J'avoue que les Village People, j'adore. Merci Laetitia Gaillet. Les garçons, remontez vite pendant le générique. Notre invité nous attend. Allez, voici comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Aujourd'hui, l'invité est philosophe. Wow. C'est Vincent Cespedes. Super. C'est quoi son métier? Philosophe. Ah, ça compte comme métier. Oui, c'est ça. Bon, alors les sujets. Et donc, il réfléchit, c'est son taf. C'est ça. Il y a la nuit debout. Ah non, on a beaucoup parlé de la nuit debout. Ouais. On ne peut pas ne pas en parler. Ah oui, c'est vrai. Et si on parlait du fait qu'on en parle beaucoup? Génial. Ça, le philosophe va avoir des trucs à dire là-dessus. Oui, alors deuxième sujet. Donc, il a un salaire pour réfléchir. C'est ça. Alors, tu remarqueras que toi, on a trouvé une autre manière de te rémunérer. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a un article sur les abstentionnistes qui cherchent un candidat pour la présidentielle. Ah oui, c'est bien ça. C'est une blague. Les gars, ils cherchent un candidat, ils vont s'abstenir. Ouais, c'est intéressant. Ah bah, ça tombe bien qu'on est un philosophe. Bon, troisième sujet. Il y a des écoles pour faire philosophe où tout le monde peut faire. Bah, tu lui demanderas. Il y a un article sur le succès des stars qu'on déteste. Ah bah parfait, voilà encore un thème philosophique. C'est génial. Vous savez quoi, moi je vais prendre un peu de ginseng avant l'émission. Parce que... Pas trop quand même. Hein. Bon, donc le gars, monsieur philosophe, on lui donne un thème et bim, il trouve une réflexion. C'est ça. C'est comme Charline quoi. Mais oui. Mais Charline, t'es philosophe. Carrément, monsieur philosophe. Elle est philosophe, elle ne savait pas. C'est pas génial. On a une philosophe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah voilà, pas boulot. Ah. Bon, c'est un genre de philosophie. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui dessape l'actualité avec les dents. Et voici les trois informations qui vont se retrouver à poil à 18h. La nuit debout n'occupe pas que les places des grandes villes, elle occupe aussi toutes les pages de journaux, les antennes et cette émission. Alors pourquoi les médias s'emballent-ils autant? Mais en réalité, ce que nous souhaitons éviter, c'est que vous déclenchiez un mouvement incontrôlable. Vous n'avez pas l'air de comprendre la réaction viscérale du public envers ce genre de choses. Les abstentionnistes ont désormais un candidat tiré au sort. Ça se passe dans la première circonscription du Bas-Rhin. Voilà donc des abstentionnistes engagés. Pour avoir des chefs, on devrait voter. Tu veux que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi. Puis c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on adore se moquer des chanteurs pop à très gros succès, comme Céline Dion? Un essai tente de l'expliquer. D'expliquer, par exemple, pourquoi Clo-Clo, ce serait moins bien que Brassens. Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein? Cette moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Et moi je suis accompagnée de celui qui ne peut pas se moquer de Radio Elvis. Il ne sait pas ce que c'est. En revanche, n'essayez pas de toucher à Michel Thor. C'est Alex Vizorek. Exactement, je serai vigilant jusqu'au bout. Bonjour Charline Manounaker. Et autour de la table, une belle équipe. 17h20, il est connu pour tout donner au début. Sauf qu'à la différence du PSG, il finit parfois en force aussi. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex Vizorek. J'ai compris cette blague de foot. Absolument. Mais absolument. Très bien. Un grand spécialiste du foot, vous savez bien. De quoi on va parler? Eh ben, je vais tout simplement aujourd'hui apporter un petit peu de soutien psychologique à François Hollande. Ah, ben, il en a bien besoin. On félicitations. 17h30, il est connu pour être celui qui a des questions sur tout. Hier, il a rencontré une poule et il lui a fait avouer que l'œuf était arrivé avant. Mais le plus fort, c'est que ce matin, il a discuté avec un œuf qui lui a confié qu'en fait, c'était la poule qui était arrivée avant. C'est Guillaume Meurice. J'ai une vie passionnante. Oui, je sais. Alex. Bonjour, bonjour Charline. Bonjour à tous. Moi, je me suis rendu ce matin à l'Assemblée générale des actionnaires de Vinci. Vinci, une entreprise qui construit quoi? Par exemple, les aéroports au Chili. Les aéroports? Aéroports, oui. Les aéroports, les fameux aéroports. Oui. 17h40, il est connu pour tout savoir, donc lui, il sait pour l'œuf ou la poule, mais c'est tellement simple qu'il va plutôt nous énumérer les différents types d'omelettes. Bonjour Marius Colucci. Oui, ben voilà, je vais vous parler effectivement d'une forme moderne d'omelette qui s'appelle le mariage. Vous expliquer comment ça a été créé. C'est bon, transition. De là à casser des œufs. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire et celui de notre invité, très présent sur Facebook. Oui, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Vous devenez professeur de philosophie en 97 quand s'achève le grand cycle de conférences appelé le Club Dorothée. Vous publiez un essai intitulé « Mélangeons-nous » en 2006, c'est l'année où les jeunes défilent contre le CPE. Et vous proposez ensuite « Oser la jeunesse » en 2015 quand Myriam El Khomri est nommée ministre du Travail. Et vous, vous êtes... Je vous laisse nous le dire. Vincent Cespedes. Mais c'est formidable. Bah, il le dit mieux que moi. Mais oui, c'est vrai, c'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vincent Cespedes, j'ai cité votre dernier ouvrage, Oser la jeunesse, paru chez Flammarion. Vous êtes aussi l'auteur, tiens, c'est à relire en ce moment, de La philosophie est dans la rue. Sur 40 ans après mai 68, vous avez écrit cet essai sur l'héritage de ce qui s'est passé, puisque Nicolas Sarkozy avait dit qu'il fallait le liquider, c'est ça ? Liquider l'héritage, oui. Ça, c'est paru chez Larousse. Alors, ma première question, après les attentats de novembre à Paris, vous avez développé le concept de néo-résistance. On peut dire que c'est une sorte de mantra moderne, de réflexe citoyen à adopter ? Alors non, il n'y a pas de contenu. La néo-résistance, c'est créer du nouveau, résister en créant du nouveau. Donc, on n'est pas dans une résistance par rapport à des vieux modèles. On a des modèles à inventer, un monde en crise, une société un peu en dérive, des gens qui se sentent mal représentés, un mal-être sociétal qui nous gagne, et ben plutôt que d'avoir des solutions derrière nous, elles sont devant. Et donc, il faut produire de la nouveauté. Et en plus, néo-résistance, parce que je mise un peu sur la jeunesse pour inventer les solutions de demain. Donc, néo-nouvelle génération. Donc, aussi. La nuit debout, dont on va parler tout à l'heure, est pleinement dans cette néo-résistance. C'est un mouvement de néo-résistance, hein, clairement. Voilà. Oui. Alors, dans ce programme, il y a par exemple un article que vous avez publié sur le Huffington Post, avec 9 points. Et par ordre d'apparition, le rire occupe la deuxième place dans cette néo-résistance, avant même aider et aimer. Donc l'importance du rire est absolument capitale dans cette néo-résistance. En tout cas, le rire, Artaud disait la force séditieuse du rire. Évidemment, c'est essentiel. Qui était un sacré déconneur. Un sacré déconneur. Mais en tout cas, son théâtre bougeait un peu les lignes. Et le rire, c'est le rire aussi de l'humour, de l'ironie, au fondement de la philosophie. C'est le rire sur soi-même, évidemment. C'est le rire qui peut-être manque encore dans les mouvements citoyens comme ça, où on est très pragmatico-pratique, on cherche vraiment à être institutionnalisé, à des organisations, etc., à mettre en chantier le désordre et à lui donner une forme. Mais le rire, c'est la plus grande des critiques. Elle coûte pas cher et elle permet de dégonfler les baudruches factices. Elle permet de toucher la superstructure, c'est-à-dire le niveau des idées. Quand les idées vous plaisent pas, en rire, c'est déjà commencer à les cuisiner. Et le rire, c'est aussi ce qui permet une fraternité effective. Rire avec les uns avec les autres, rire de nos douleurs, rire de nos pleurs, rire de nos peurs, c'est quand même la meilleure des résistances, et selon moi. Quand celui qui fait rire peut acquérir la crédibilité de faire avancer ou de diriger, parce que c'est souvent le problème, c'est l'un ou l'autre. Parce que c'est pas sérieux de faire rire. Exactement. C'est bien dommage. J'ai parlé d'ailleurs que notre président est doué de grand sens de l'humour, mais on en profite pas assez. Donc oui, en fait, il s'agit pas de faire rire. Il s'agit de rire de. C'est-à-dire de prendre un objet de rire. Un objet qui est en général sacré. L'éducation, la famille, la politique. Voilà. Des grandes autorités ou des gens célèbres, des célébrités. Et rire, c'est, comme je le disais, c'est apporter un questionnement, un jugement critique. L'humour, c'est quoi? L'humour, c'est quand c'est tragique. On dit que la vie est possible, et quand c'est trop facile, on dit que c'est très compliqué et que la mort est possible. Et donc ça permet de relativiser un peu tout ce qui est hors de portée des gens normaux, et de s'approprier le sujet. Donc c'est le rire qui questionne, qui est intéressant, qui clash, on pourrait dire très simplement. Donc on va faire de la néo-résistance ensemble. On se rendait pas compte. Bah oui, on s'est pas rendu compte. Hein. Alors Vincent Cespedes, vous êtes un jeune philosophe assez médiatique, dans le sens où vous participez à pas mal de débats télévisés. Vos aînés surmédiatisés ont peu ou prou tous pété un câble, hein. Les Finkielkraut, Onfray ou BHL sont plus toutes les frimes dans le même sachet, comme dirait Alex Vizorek. Donc, quand est-ce que vous devenez de droite? Mais alors, ils sont très raillés, où ils jouent les martyrs. On a vu Finkielkraut à La Nuit debout, bien sûr, qui lui a réussi à instiller le rire, hein, dans quelque chose qui n'est pas encore institutionnalisé. Vincent Cespedes, vous êtes conscient de ça? Vous faites attention, vous, parce que finalement, on a besoin quand même de jeunes philosophes qui prennent la relève. Oui, alors moi, je suis pas dans cette logique de prendre de place et de prendre la relève. J'ai créé mon indépendance qui vient en fait de conférences, des conférences où j'essaie de pas vendre mon âme, mais qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise, où je tiens un discours qui n'est pas un discours capitaliste, etc., dans des grandes entreprises et des organisations patronales. Bon, le MEDEF, je l'ai fait que 3 fois, mais c'est plutôt des organisations qui veulent comme avancer et bouger. Ouais, 3 fois. Il paye bien le MEDEF ou pas pour une conférence? Le monde de l'entreprise paye bien pour les conférences. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on y dit et ce que j'y dis. Vraiment, moi, j'essaie de pouvoir me regarder dans un miroir, donc j'essaie de montrer montrer toutes les dérives du capitalisme, du cynisme généralisé, et finalement, surtout ce que j'essaie de dénoncer, c'est la prétention de mettre l'humain au centre de tout, et en fait, l'humain est au centre de nulle part, quoi. Donc il y a un discours bonheuriste, hein, le bonheur obligatoire, l'optimisme est obligatoire, la bienveillance, c'est le grand mot, et au bout du compte, j'essaie de voir que c'est très très difficile d'édicter des valeurs si elles ne sont pas vécues de l'intérieur. Et donc j'essaie de réfléchir sur cette notion de valeur, comment incarner des vraies valeurs et surtout comment transformer le monde, quel que soit notre secteur d'activité, y compris en entreprise. Et comment créer des valeurs aussi avec Vincent Cespedes, on va en parler jusqu'à 18h. Le philosophe nous mène sur le chemin de la réflexion plutôt que nous dire ce qu'il faut penser. On va faire comme ça jusqu'à 18h. Vous êtes sur France Inter, Music. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Bobby Womack, Across the... Alors... 110th Street. 110th Street. La 110e rue, quoi. Bah oui, ça, ce soir, bah voilà, vous êtes sur France Inter. On n'a qu'à dire Hélène Segarra. Voilà. Ça, on connaît au moins. Nous sommes en compagnie de Vincent Cespedes. Son dernier ouvrage, c'est Oser la jeunesse, publié chez Flammarion. Puis je vous conseille aussi son compte Facebook. Vous prenez des vidéos à la nuit debout, vous commentez, et puis vous relayez les articles. Alex, autour de cette table. Eh bien, par ordre d'apparition, Thomas VDB, Guillaume Meurice, notre spécialiste musical du jour, vu que les concernés ne sont pas là, et Marius Colucci. Allez, de l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Selon ses dires, Véronique Jeunesse aurait été agressée à la nuit debout. Ouais, sans doute par des policiers, hein, lui reprochant l'image qu'elle a donnée d'eux par Julie Lescaut. Sport, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Mitchell, est démis de ses fonctions. Oui, un employé licencié pour absence de résultat, une première victime de la loi El Khomri. Et il y aura des brèves. Et un ivre virgule. Youhou. Et on commence donc par cette terrible agression de Véronique Jeunesse. Guillaume Meurice, vous êtes sur place. Est-ce qu'on a des informations précises? Oui, tout à fait, Alex. Apparemment, oui. C'est très très grave. Ah. Elle aurait été sauvagement agressée. Elle aurait des hématomes. Ah, oui. Et elle aurait reçu des coups quand elle était au sol. Ah. Je vais tenter de me faire confirmer ces informations pendant le courant de cette édition. Oui, donc, plus d'informations à venir. Oui, hein, voilà. Politique. François Hollande était hier en Égypte et un journaliste lui a demandé comment il vivait, sa cote de popularité au plus bas. Vos prières sont les bienvenues. Merci. Donc il demande aux journalistes de prier pour lui. Elle est belle, la France laïque. Politique toujours. Dans une interview donnée à L'Opinion, l'ancien ministre des Finances grec Yanis Varoufakis, pourfendeur de l'austérité, dit énormément de bien d'Emmanuel Macron. Et oui, heureusement qu'il n'a pas donné une interview à Valeurs Actuelles. Il aurait dit énormément de bien de Nadine Morano. Syndicat, une affiche de la CGT dont le slogan est « La police doit protéger les citoyens et non les frapper ». Bien, cette affiche fait polémique. Ah oui, regardez-la. Moi, c'est vrai, ça m'a choqué. Ça m'a tout fait choqué. Ah bon? Ah bah ouais, c'est ouais. Choquant, c'est choquant, ouais. Surtout le travail cochon du graphiste. Non mais c'est quoi ce détournement de matraque? Non franchement, même s'il est affilié à CGT, il faut le licencier sur le champ ce gars-là. Faut voir l'image aussi. Ouais, non, mais je vous incite à aller la voir du coup. Retournons à Nuit Debout, où Guillaume a de nouvelles informations à propos de l'agression dont Véronique Jeunesse dit avoir été victime. Tout fait, Charline, apparemment, elle revient sur son premier témoignage. Il était exagéré, on parle bien d'hématomes, mais les coups quand elle était au sol proviendraient d'une bouche d'égout. Sur laquelle elle a trébuché alors qu'un participant la poursuivait. Je continue l'enquête. Merci Guillaume, merci. International. Oui. Avec ce petit clin d'œil à notre confrère Anthony Bélanger, du 5-7, qui ce matin, dans sa revue de presse, alors qu'il parlait de l'explosion d'un bus à Jérusalem, a cité des journaux locaux. Nous avons le mur, les barrières, les checkpoints. Au moins, nous disions-nous, les bus n'explosent plus. Désolé. Mais oui, ce ne sont pas les burnes qui ont explosé, évidemment. Sport à présent. Oui, outre l'entraîneur Mitchell, le président Labrune va également être remplacé à l'OM. Le nom de Xavier Giocanti avait été cité pour le remplacer. Xavier Giocanti, qui n'est autre que le compagnon de Christine Lagarde. Et oui, c'est pas de chance, parce qu'après Bernard Tapie, l'OM aurait donc pu avoir à sa tête un deuxième homme à avoir niqué Christine Lagarde. Sport encore, selon une étude de l'INSEP, les sportifs de haut niveau ont 7 ans d'espérance de vie de plus que la moyenne de la population. Et oui, on a une pensée pour les familles de Jacques Anquetil, Laurent Fignon et Marco Pantani, qui auront peut-être lu cette information aussi. Attendez, parce qu'apparemment, oui, on me dit que Guillaume a de nouvelles informations. Allez-y, oui, effectivement, oui, alors Véronique Jeunesse a redonner une explication. Alors quand on parlait d'hématome, en fait ce serait un membre de Nuit Debout qui aurait crié hématome, pensant que Véronique Jeunesse avait chapardé son fromage de chèvre. Alors elle se dit très choquée évidemment par ce jeu de mots pourri, car elle n'a absolument pas l'habitude d'être alpaguée par un non-musulman. Oui, mais merci beaucoup Guillaume Meurice. Vous en prie. On termine par une brève. Oui, une brève, attention. Ivre et déguisé en tigrou, un bordelais frappe des participants de Nuit Debout. Alain Finkielkraut semble donc décider de retourner à Nuit Debout. Merci, c'est la fin. Attendez. Oui, alors Véronique Jeunesse en fait n'a rien fait, elle va très bien, elle n'a rien du tout, elle s'est trompée, elle a même fait un communiqué de presse, hein, je vous le lis, je vais bien, je continuerai à jouer du mercredi au samedi, portrait craché au Palais des Glaces. Merci Guillaume, on est rassuré. Voilà, c'était donc ça. C'est vrai, c'est The Place to Be pour faire sa promo Nuit Debout. Pas de mauvaise manière pour se faire sa promo. Mais voilà. Le philosophe Vincent Cespedes nous accompagne jusqu'à 18h. Et bien sûr, on va parler du fameux mouvement de la place de la République et des autres places de la République à travers la France. Et bien, la Nuit Debout occupe ses places. Elle occupe aussi tous les médias, même ceux du vieux monde, les médias traditionnels. Et oui, ça leur rappelle peut-être l'époque de la Résistance. Ne parlons plus de tout ce que nous avons pu envisager jusqu'ici, ni des difficultés à surmonter. Notre succès ne dépend que d'une seule chose, la précision. Donc, de la précision, messieurs, de la précision. Aussitôt que les câbles de la caméra seront débranchés, le camion file. Nous le laisserons à l'entrée pour passer avec notre film. Qui s'occupe de la caméra près de la cale? C'est moi. Tous les fils ont été posés la nuit dernière. Je n'aurai seulement qu'à les brancher à l'appareil. Dommage qu'on doive sacrifier une bonne caméra. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons pensé à tout. Vous reviendrez au bureau du journal, je vous y attendrai. Bonne chance. Ça, c'est Valeurs Actuelles qui va en rampant à la Nuit Debout. Un extrait de la 5e colonne d'Alfred Hitchcock qui date de 1942. Les médias traditionnels s'emballent, eux aussi. Il n'y a pas que Periscope, les réseaux sociaux, etc. Le mouvement, certes, a pris quand même de l'ampleur. Mais tout de même, est-ce qu'au vu du phénomène et du nombre de participants et de tout ce qui se passe dans les médias et de la couverture énorme, est-ce que finalement cette couverture est proportionnée au phénomène, Vincent Cespedes? Moi, je pense, effectivement, j'y suis allé plusieurs fois. D'abord, j'habite à deux pas, c'est quand même très facile. Et en plus, je fais mes vidéos live là-bas. C'est à chaque fois éblouissant d'intelligence. vraiment. Je déambule, j'interroge des gens au hasard. Tous les gens sont là, enfin, des vieux, des jeunes, toutes les couleurs, tout le monde, vraiment, toutes les classes sociales, vraiment, extrêmement mélangées. Et à chaque fois, c'est super intelligent. Alors, parfois, il y a des colères, parfois, il y a des souffrances qui sont exprimées, mais c'est toujours avec une idée de vouloir réfléchir. Et parfois, il y a des interrogations, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, ça discute. Effectivement, on n'est pas des milliers, mais ce qui est sûr, c'est que la qualité de ce qui se passe est inouïe. Mais alors, ça veut dire aussi que ce qui se passe est extraordinaire, alors que ce sont des gens qui, au milieu de la cité, discutent de la vie de la cité, c'est tout ce qui paraît en fait le plus naturel. Eh ben oui, ben c'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout d'un coup, des gens parlent en chair et en os. J'ai vu à la tribune des juifs dire « je suis juif et il faut que la citoyenneté existe », etc. Et puis remplacé après par trois minutes avec un homme noir qui disait « l'Afrique, le français est ça, il faut changer ça ». Et puis après, voilà, ça refait le monde. C'est une sorte de Wikipédia assoiffée de liberté qui se reconfigure sans cesse. Alors, on pleurniche parce qu'on se dit on ne sait pas où ça va, dans une perspective un peu voilà, d'organisateur. Effectivement, c'est le drame et le cauchemar pour tout ce qui est organisateur de mouvements comme ça. C'est l'agora. C'est l'agora. Mmh. C'est plus que l'agora, c'est la soif. Moi, je vois une soif démocratique extrême, absolument pacifiste. Vraiment, il y a une ambiance mais incroyable. Mais alors justement, la vision que vous en donnez, c'est pas toujours la vision qu'on en a à travers fameux filtre des médias dont nous parlait la Finkielkraut. Justement, est-ce que c'est pas un problème aussi de clarification ? C'est-à-dire qu'à Nuit Debout, le noyau dur, celui qui participe sans arrêt, qui débat, qui vote, etc., arrive à conceptualiser tout simplement ce qu'il est, sans autre ambition pour l'instant. Mais est-ce qu'ils n'ont pas du mal parfois à trouver les mots et qui fait qu'il y a une incompréhension qui se voit tout de suite ? Ils ne pourront pas trouver les mots, le noyau dur, parce que on a affaire à une ambition démocratique telle, et j'ai analysé l'ambition, le propre de l'ambition, le moteur énergétique de l'ambition, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on a de l'ambition. Dès qu'on commence à savoir, il y a un point aveugle qui est constitutif de l'énergie de l'ambition. Et là, c'est pareil, ils sont dans une matrice énergétique, ils ont des cernes, ils dorment plus, ils s'organisent, c'est incroyable, ils sont dans l'action, donc c'est pas eux qui vont prendre du recul. Mais par contre, je crois que ce mouvement va durer, perdurer, essaimer dans les têtes, parce que le but du jeu, c'est de toucher les têtes, c'est pas tellement de toucher les institutions en mur et en rue et en ville. Toucher Véronique Jeunesse. Toucher les têtes, je pense qu'il va pouvoir, perdurer si il devient philosophique. C'est-à-dire si des jeunes étudiants, des jeunes se mettent à réfléchir à une nouvelle civilisation. Parce que l'enjeu, il est là. Et ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle presque civilisation. Ça dépasse largement le cadre d'une nouvelle constitution démocratique, etc. Et c'est cette lumière-là qui avait éclaté un peu en 68, pendant un mois ou deux, qui avait ravi, et on en parle encore aujourd'hui avec des étoiles dans les yeux, parce que c'était pas simplement des revendications politiques ou syndicales. C'était, Julia Kristeva dit un beau mot, c'était une nouvelle religion, une nouvelle civilisation qui se préparait, qui est en germe. Elle parle de transmutation de valeurs. C'est le mot de Nietzsche qui dit qu'on doit tous être artistes des valeurs, ne pas les recevoir d'en haut, mais les créer nous-mêmes. Et donc, il faut leur laisser du temps. Et la philosophie est donc dans la rue, comme le dit votre ouvrage publié chez Larousse. Il faut qu'on participe, c'est surtout ça. Il faut que tout le monde participe intellectuellement à cette agora qui doit devenir philosophique. L'autocritique sur nous-mêmes, l'autocritique sur les autres, avec le rire évidemment au centre. Le rire, eh bien, faisons de la néo-résistance, comme dirait Vincent Cespedes, avec le rire de Thomas VDB. Enfin, on compte sur vous là-dessus. Tentons de faire de la néo-résistance. Je suis venu te dire que je m'en vais me présenter une deuxième fois aux élections présidentielles. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Voilà, parce qu'on est évidemment à un an des élections présidentielles et à l'occasion de cette actualisique, je souhaitais apporter mon soutien, non pas politique, mais psychologique, à François Hollande. Je dis vraiment parce que je pense que tout ce qui se passe en ce moment ne doit pas être très facile à vivre pour lui. Je suis très content personnellement de ne pas être François Hollande, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous imaginez sa vie, tous les jours, une nouvelle journée qui commence, il se lève, il se fait un café, il allume la radio, dès le matin, aux infos, il se fait rabaisser. Et là, oh nulos ! Oh la honte, elle flambie ! Oh la honte, elle avait dit que le chômage baissera, il n'a pas baissé ! Et c'est ça, il boit son café en se regardant dans le miroir, et se lève vraiment, il est plus bas que terre. Alors vous allez me dire, il n'était pas obligé de se présenter, mais psychologiquement, quand même, je pense que ça va être très chaud. À iTélé, on le disait tout à l'heure, un journaliste lui a parlé de l'impasse dans laquelle il se trouve. François Hollande a répondu que toutes nos prières étaient les bienvenus pour l'aider. Quand on est là, c'est vrai que c'est un peu dur. D'ailleurs, on m'a dit qu'il accrochait une patte de lapin à l'entrée de l'Elysée. Un conseil même que je lui donne, si jamais il croise un marin, c'est de toucher le pompon du marin, parce que ça, c'est porte-bonheur vraiment à tous les coups. Parce que là, donc, j'ai entendu dire qu'il est à 14% d'intention de vote. C'est quand même pas un très très grand nombre, 2%. Hein, c'est un des plus faibles nombres de pourcents que je connaisse. Hein, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que François Hollande, quelle que soit la pièce dans laquelle il rentre aujourd'hui, sur 10 personnes, il y en a 9 qui peuvent pas le saquer. Hein, je pense que ça doit être dur de pas devenir parano. Hein, alors il va me dire, attention, oui d'accord, mais sur 10, il y en a un qui m'adore. Je dis, oui d'accord, c'est vrai. Il va dire, oui pardon, même 14%, ça fait plus que 1 sur 10 qui m'adore. Je dis, ok François, pardon. 14% sur 10 personnes, on va dire, ça fait une personne qui t'adore et une qui t'aime relativement bien. Mais c'est vrai que moi, si dans la vie, je dois faire un truc et que je suis qu'à 14%, franchement, j'y vais pas en général. Hein. C'est vrai que tu dis à quelqu'un comme ça, ça va, t'es à fond là, le mec, tu dis, ouais, franchement, c'est bon là, je suis à 14%. Tu dis, ah, mais non, on va pas le faire finalement, on va abandonner le projet. Hein, c'est vrai que si par exemple, je vais aller me promener et j'attends un coup de fil important, mais mon téléphone, il a plus que 14% de batterie, et soit je recharge les batteries, soit carrément, je reste chez moi. Hein, parce que, ou alors je pars, mais je m'assure d'avoir un chargeur qui marche. Hein, parce qu'en plus j'ai remarqué qu'en plus les téléphones quand ils sont plus qu'à 14% en général ça baisse encore plus vite, c'est vraiment les pourcents les plus mous, c'est vraiment les pourcents les moins fiables en général. Donc, en général je laisse le téléphone à la maison, donc moi perso à 14% j'y vais pas, et bien lui François Hollande il y va, il fonce, il y croit. Hein, ça fait un peu penser d'ailleurs au début de l'aviation, tu sais les vieilles vidéos en noir et blanc qu'il y a où t'as un avion, un gars qui s'est fabriqué un avion tout pourri, pour eux, tu fais, sinon il va pas le faire le gars, il va se cracher, si le gars il va quand même, il fait comme François Hollande, il a pas peur, il y va quand même. Et donc voilà, j'espère moi que François Hollande, il a quand même des potes, des gens de confiance pour essayer de le raisonner un peu, de le dissuader. Quelqu'un puis dit, ouais, François, fais pas le con, t'as pas envie de faire autre chose là, attends, franchement, de changer de vie, je suis sûr que t'es doué pour plein d'autres trucs. Attends, mais j'ai vu une petite annonce pour une formation autour du bois, des travaux du bois, chez un ébéniste. Ça te dirait pas plutôt vouloir être président de la République pour une deuxième fois, franchement. François, tu sais bien, par exemple, au cinéma, les films, le 2, il est jamais mieux que le 1. Hein. Et Hollande, il dit, ah, je suis pas d'accord, Police Academy. Le 2, il est mieux que le 1. Hein. Et Rocky, dans Rocky 1, il perd, mais dans le 2, il finit par gagner, il s'arrête pas au premier échec. Et là, je dis, ok, mais attention, François, à ne pas s'entêter pour rien non plus. Je dis ça parce que moi, par exemple, le permis de conduire, je l'ai pas eu du premier coup. Il m'a fallu un échec, puis deux échecs, puis trois, puis quatre échecs pour finalement abandonner et me rendre compte que la conduite, c'est vraiment pas pour moi. Donc, des fois, vaut mieux vraiment abandonner dès le premier échec. C'est important de le savoir. Mais non, c'est pas ce que se dit François Hollande. François Hollande, il se dit, je veux continuer à diriger la France comme tous les autres avant moi, comme Mitterrand ou De Gaulle, comme Napoléon, comme Louis XIV, il dit, je suis comme eux, je suis Napoléon, je suis Louis XIV, il dit, je suis Louis XIV%. 14%. C'est pas le 2%. Yeah. Mais il suffit juste d'y croire, avec un gros coup de balle, ça peut quand même passer. Allez, François. Thomas VDB, merci. Qui sera au karaoké de Mont-sous-les-Mines ce samedi soir. En tout cas, c'est vrai. Il a vachement bien néo-résisté. Vincent Cespedes, c'est avec nous, le philosophe. Oui. Son dernier ouvrage, Oser la jeunesse, paru chez Flammarion. Et là, on va parler des abstentionnistes qui se fédèrent et qui ont trouvé un candidat, figurez-vous. Yeah. collectif chante Floridada. Et Floridada, gna gna gna, sera le prochain remix. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie du philosophe Vincent Cespedes. Vincent Cespedes qui donne parfois des conférences dans les entreprises, ça vous arrive, n'est-ce oui, pas oui. Eh bien, Guillaume Meurice, l'entreprise, c'est sa passion. C'est le moment Meurice. Moi, je vais vous parler de la nature aujourd'hui. Vous savez que j'ai toujours tendance à la défendre. Eh bien, j'ai eu tort. Si je devais citer un philosophe pour appuyer mon propos, je dirais à la nature, gna gna gna gna gna gna gna, la nature, pauvre conne. Ça fait 15 jours que j'ai les yeux qui piquent à cause du pollen. Alors merci bien la nature. Je vous rappelle que le pollen est l'élément fécondant mâle d'une plante. Hein. Donc ça fait 15 jours que je vis une vie d'actrice porno forestière finalement. Hein. Alors ça va, hein. Moi j'en ai plein le cul, j'en ai plein les yeux. Donc je veux rendre hommage à ceux qui tous les jours courageusement pètent la gueule à la nature. J'ai nommé les bâtisseurs, les constructeurs, les bétonneurs, comme l'entreprise Vinci qui organisait sa grande assemblée générale des actionnaires ce matin au Carrousel du Louvre. J'y suis allé pour interroger mes héros. Mais en interrogeant le premier, j'ai eu peur que Vinci soit en fait une entreprise écolo. Vinci s'intéresse obligatoirement à l'écologie, puisque bon, bah, tous les aéroports et tout ça, bon, c'est déjà une chose. Bon, la route, les autoroutes aussi. Tout ça, c'est écologique, les aéroports, les autoroutes Disons, toutes les économies, enfin disons, tout l'environnement. Tout l'environnement, tout ce qu'il y a point de vue nature pour l'air, pour la consommation d'énergie et tout ça. Ok, d'accord, c'est n'importe quoi. Non, mais j'avais vraiment flippé. Hein. Je me suis dit à un moment donné, merde, je suis chez Greenpeace. Non, finalement, ça va. On est chez Vinci. Alors après, c'est sûr, il y a des écolos partout, hein, y compris chez les actionnaires de Vinci. Ah, mais on peut être actionnaire de Vinci et écolo. Vinci fait plein de choses pour l'aménagement des sites, etc. Oui, non, ah bon pas, non, les... Moi, je croyais qu'ils mettaient du béton partout. Bah, le béton, c'est beau. S'il est coloré, s'il est agrémenté, etc. Oui, ils rendent le monde plus beau en colorant du béton. Par exemple. Bah oui, par exemple, parce qu'ils colorent aussi du bitume, de l'acier. Bam ! Allez, prends ça dans ta gueule, la nature, avec tes arbres à la con et tes rivières pourries. Gros clash dans ta face. Vinci s'y connaissent hein, en clash de nature. Ce sont eux, par exemple, qui ont le chantier de Notre-Dame-des-Landes. À ce sujet, cet actionnaire s'interrogeait. Est-ce qu'un aéroport de cette taille est justifié dans cette région-là ? Ça, c'est un autre débat où je ne peux pas vraiment répondre. Je n'ai pas tous les chiffres. Bah dites pas ça, ça va faire chuter l'action. Ouais. Je pense qu'ils ont bordé leur truc et que même si ça se fait pas, il y aura un dédommagement. Bah, le dédommagement, ça va être qui alors ? Bah, c'est de toute façon l'État. Hein. Ah donc on va payer pour vous ? Bah, j'espère. Bah, ouais. Et bah, évidemment, puisque Vinci pète aussi la gueule à la déontologie en imposant des sommes mirobolantes sur ses contrats en cas de non-réalisation du projet. Bien joué Vinci, bien joué l'État français qui signe ce type de contrat, et bien joué aussi pour les autoroutes revendues à qui ? À Vinci ! Youpi ! Question pour un actionnaire. Est-ce que vous pestez pas au péage quand vous payez trop cher les autoroutes ? Je prends pas les péages. Ah bon ? Parce que je suis radin. Mais évidemment, c'est comme ça qu'on y arrive. Vinci pète la gueule aussi à la redistribution des richesses. Gloire à ses actionnaires. D'ailleurs, si vous critiquez un actionnaire, voilà ce qu'il vous répond. Ah bah moi, je dis que les gens qui critiquent les actionnaires, eh bien, d'abord, ils pourraient être actionnaires, comme ça. Parce que si vous dites que c'est le miroir aux alouettes et que c'est le jackpot que vous gagnez à chaque fois, bah, faut être actionnaire. Mais peut-être qu'ils n'ont pas d'argent aussi. Bah, si vous n'avez pas d'argent, faut en gagner. Faut vous lever le matin, faut retrousser les manches. Et bah voilà ! Un mec qui gagne du pognon sans rien foutre, qui donne des leçons à ceux qui trouvent pas de travail. C'est ça l'esprit. J'aime bien l'esprit Vinci. J'aime ça aussi quand les actionnaires de Vinci disent qu'ils payent pas trop, qu'ils payent trop d'impôts justement, et que du coup ils ont des grosses galères de thunes, hein, n'est-ce pas madame ? Ici en France, on vit dans la misère, il y en a plein. Hein. Oui, mais vous ? Non, mais moi aussi. Mais si vous vendez vos actions, vous allez gagner de l'argent du coup ? Oui, non, je gagnerai pas d'argent. Quand j'aurai fait le total, vous savez, il restera pas grand-chose sur 5 ans. Hein. Bah alors pourquoi vous avez des actions ? Bah parce que ça permet au moins de voir des gens, de voir la société comment elle bouge. Ah, c'est pour vous divertir. Bah voilà, on va à l'AG de Vinci pour se divertir parce que c'est fun. Et c'est tellement fun, l'Assemblée Générale de Vinci, qu'à la fin, ils offrent un cadeau. Ça, c'est vraiment adorable. Et ça donne lieu à une scène très très mignonne où les petits actionnaires, sont essentiellement des personnes plutôt âgées, attendent leur cadeau. Comme cette petite mamie. Alors, est-ce qu'elle sait quel sera le cadeau en question ? Non. Mais vous attendez quand même. Ben, c'est marqué là. Et vous espérez quoi alors ? Vous espérez que ça va être quoi ? Comme cadeau ? Ouais. Oh, d'habitude, ils donnent un petit disque. Mais un disque de qui ? Ah ben, de l'Assemblée. Ah, un DVD avec l'Assemblée. Voilà. Oh, la chance. C'est pour ça qu'il faut attendre. C'est trop chou. C'est beaucoup trop chou. Elle a attendu, cette petite mamie, très longtemps, hein, comme tous les autres. Elle a attendu pour avoir son cadeau, qui était donc un câble d'alimentation d'iPhone 5 aux couleurs de Vinci. Réaction à chaud. Oh Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ça vous plaît pas? Oh. Bon, j'ai l'impression que vous êtes déçu du cadeau. Oh, je suis déçu. Ça serait une bonne bouteille, j'aimerais mieux. Ah. Une bouteille de champagne. Mais non, mamie, le champagne, c'est pour les PDG qui gagnent en 3 minutes ce que leurs ouvriers mettent 15 ans à gagner et qui en plus se foutent de leur gueule, comme foutent de leur gueule des petits actionnaires. Donc je suis venu, j'ai vu, j'ai mal au cul, veni, vedi, Vinci. Merci Guillaume Meurice. Nous sommes sur France Inter et avant d'entendre Marius Colucci dans quelques instants, on va aborder le deuxième sujet avec notre invité Vincent Cespedes. Dans le Bas-Rhin, les abstentionnistes et ceux qui votent blanc sont désormais réunis dans un collectif et même représentés par un candidat tiré au sort. J'aimerais que tu répondes encore à un truc. Quand est-ce que t'as pris cette décision? Pendant qu'on était là à bouffer? Ouais. Ouais, ouais, là, devant mon muffin et devant ma tasse de café. J'ai repassé l'incident dans ma tête et voilà que j'ai eu ce que les alcooliques anonymes appellent un moment de lucidité. C'est Pulp Fiction. C'est à lire dans Libération aujourd'hui. Ça se passe dans la première circonscription du Bas-Rhin, où le député PS a rendu son mandat à l'Assemblée nationale pour des raisons de santé. Et le collectif Ma Voix réunit ceux qui votent blanc ou qui ne votent pas du tout. Et au terme d'un processus qui est très sérieux, parce qu'il y a eu une formation civique, une visite de l'Assemblée, des cours en ligne, etc. Eh bien, il y a eu un tirage au sort qui a désigné Daniel Gerbert, ancien libraire, désormais au RSA, qui est donc candidat à la députation dans le Bas-Rhin. Est-ce que ça donne un autre visage de l'abstention? Parce qu'on peut voir parfois l'abstention comme un désintérêt total, moins qu'une contestation. Et là, il y a un collectif citoyen même qui se crée. Bah, ils prennent la chose politique au sérieux, donc déjà ça, moi, ça me réjouit. Il y a du rire parce que ça ne veut plus faire rire. Bon, bah c'est pas mal. Il y a de la formation, il y a de l'éducation populaire, il y a de l'implication. Bon, donc effectivement, on peut critiquer le processus, mais on a vraiment besoin de ça. On a besoin de réinventer des formes de démocratie directe, des formes de participation à ce qui nous concerne vraiment. Il y a une immense soif, je parlais de la soif dans Nuit debout, mais c'est vraiment une immense soif citoyenne à ce niveau-là. Mais même si ça n'aboutit pas, parce que l'article de Libération résume finalement la chose, c'est qu'il n'y a pas de couleur politique, bon, pas grave, il n'y a pas de promesse, bon, mais il n'y a pas d'attente et il n'y a pas de déçu, donc. Alors, c'est un peu mythique, mais raison. Mais ça brasse des idées. Mm-hmm. Mais les gens peuvent dire, tiens, voilà mes idées pour changer le monde. Ça brasse des idées, ça brasse du débat, ça crée des liens à partir de l'idée de se dire, on s'implique dans la politique. En fait, il faut qu'on arrête d'être obsédé par le résultat. On est vraiment dans la résultocratie. Le processus, c'est ça qui est important. La démocratie, c'est un processus. Ça part de la parole vivante, du dialogue et de l'imagination. Dès qu'on a ça, les résultats seront là. Mais il faut qu'on puisse relancer la fabrique à imaginaire, à utopie, à rêve. On manque de rêve et ça peut être une façon d'agiter les rêves. On dirait Jean-Christophe Cambadélis quand vous dites ça. Oh, les résultats, c'est pas important. N'insultez pas notre invité. Non, les résultats, c'est important, mais ce qui compte, c'est vraiment, pour nous tous, c'est vraiment qu'on puisse proposer des alternatives. Elles vont pas tomber du ciel. Ce sont pas les experts qui vont proposer des alternatives. Ça fait 20 ans qu'on les écoute, il n'y a pas d'alternative là. Donc les alternatives vont venir du peuple. Et ce peuple-là, il doit se rencontrer, débattre, imaginer, rêver. Et un peuple qui veut rester aussi anonyme, on a vu dans Nuit debout, ils ne veulent pas avoir de porte-parole. Ici, le collectif Ma Voix ne veut pas s'adresser aux médias. Ça m'a fait penser à ce collectif de musique qui s'appelle Fauve, où il n'y a pas de photos et on donne juste les prénoms. Ça, c'est aussi une nouvelle forme où donner aux résistances. De non-incarnation, Non, c'est pas nouveau. Encore une fois, mais 68 avait inventé ça. Pas de micro, pas d'orateur. Et Daniel Cohn-Bendit, qui maintenant a trahi complètement mais 68 en étant devant la scène, à l'époque, il était sérieusement encadré par ses camarades. Alors, il portait un peu l'irrévérence de 68, mais c'est fondamental. On est dans un ras-le-bol total, nausée extrême, de tout ce qui est peopleisation de la politique, représentant, starification de la politique. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sain. Il y aura des leaders qui vont émerger, mais qui seront un peu dans l'humilité de dire, voilà, je ne représente que ma propre voix. Merci Vincent Cespedes. Marius Colucci, de façon tout à fait anonyme, est-ce que vous auriez une chronique à nous faire? Voilà, je vais parler les yeux cachés comme ça. Non, je vais pas le faire, sinon j'arriverai pas à lire. Alors aujourd'hui, un casque. C'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on a inventé le mariage. Ah. Voilà. Tout a commencé il y a 5000 ans en Mésopotamie avec la sédentarisation. Donc jusque-là, les hommes et les femmes vivaient en nomades et ils profitaient des ressources d'un territoire. Et puis quand il n'y en avait plus assez, ils bougeaient vers un autre territoire. Mais à partir de la sédentarisation, tout a changé. Les ressources du territoire prennent beaucoup plus d'importance parce qu'on ne va pas changer d'endroit. Hein, c'est le principe de la sédentarisation. Maintenant qu'on a fait des maisons en pierre, on ne va pas tout casser pour les reconstruire plus loin, ouais. Forcément. Et du coup, si une autre tribu vient prendre les ressources du territoire, bah, ce n'est pas possible non plus. Sinon, il n'y a plus rien pour nous. Donc, il faut protéger ces ressources. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé la guerre. C'est à partir de ce moment-là très belle avance. Qu'on retrouve des cadavres tués par des armes. Avant, il n'y en avait pas. Voilà, c'est l'invention de la guerre. Par Jean-Michel Laguerre, il faut le rappeler. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a inventé du coup la propriété, le fait de posséder les ressources naturelles de notre territoire. Alors comme c'est les guerriers qui protègent la propriété, donc les hommes, c'est les hommes qui deviennent propriétaires, ceux qui ont un patrimoine. D'ailleurs, dans patrimoine, il y a patrie, qui veut dire le père. Hein, on n'a jamais entendu parler de matrimoine, étonnamment. C'est vrai. C'est bizarre quand même. Hein. Mais arrivé à la fin de sa vie, l'homme, il doit pouvoir transmettre ce patrimoine, sinon ça sert à rien. Or, jusque-là, dans les sociétés nomades qui existaient à cette époque, il n'y avait pas de paternité. Hein, pour vous faire une idée, ils vivaient un peu comme des babacools. On respecte la nature, on partage tout, même la bouffe, même les femmes, c'est cool. Alors comment ça se passait? Les enfants étaient élevés par une mère, évidemment, hein, et ils étaient élevés par la famille, mais le père, ben, on s'en foutait un peu. D'ailleurs, la plupart du temps, il faisait partie d'une autre tribu. Comme l'explique Claude Lévi-Strauss, c'est pour ça que dans les contes, le héros fait toujours un voyage avant de rencontrer une femme, pour nous apprendre qu'il ne faut pas coucher avec sa sœur, sinon on risque de faire des enfants stériles. Ce qui était important quand même. C'est important de faire des enfants pas stériles à cette époque. Il n'y avait pas beaucoup d'humanité. Du coup, dans la civilisation sédentaire, on invente le mariage, où l'homme donne son nom à sa femme et à leurs enfants pour pouvoir être sûr de transmettre son patrimoine à ses enfants légitimes. C'est aussi à ce moment-là qu'on invente, bien sûr, la fidélité. Hein, et que alors, les qui femmes... a inventé ça? Parce que, Alors, c'est en Mésopotamie, a priori. Ah. Hein. C'est aussi à ce moment-là que les femmes deviennent, bien sûr, des valeurs marchandes indispensables pour pérenniser le patrimoine. Parce que la propriété, c'est le fondement de la société. Sans elle, tout s'écroule. Enfin, la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, ouais, peut-être qu'elle va évoluer. Hein. Et c'est la religion qui va protéger cette propriété à travers le mariage avec des principes comme « tu ne voleras point » ou « tu ne convoiteras point la femme de ton voisin ». Tout ça, c'est juste une affaire de capitalisme. Alors aujourd'hui, si vous êtes à fond pour la nuit debout, si vous êtes anticapitaliste ou altermondialiste et que vous rêvez de vous marier, bah c'est sûr que ça peut vous poser des problèmes philosophiques. Hein. Dans ce cas, je vous invite à lire les précédents livres de notre invité Vincent Cespedes, qui vous donneront des clés sur les relations amoureuses modernes et peut-être vous éviteront de devenir totalement schizophrène. Merci Marius Colucci. C'est vrai, notre invité invente aussi de nouvelles formes, hein, au-delà du mariage, cette institution bourgeoise. Oui, c'est vrai, mais c'est une question qui va se poser à Nuit Debout, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on veut changer le monde, sortir du capitalisme? Est-ce qu'on se met dans l'encouplement obligatoire, voilà, ou est-ce qu'on invente autre chose? Il y a eu des tentatives, elles ont plus ou moins réussi, échoué, mais je plaide pas pour un modèle, je plaide pour qu'on invente et qu'on crée notre propre... Chaque amour devrait créer sa façon d'aimer. L'amour est créateur, voilà. Oh, c'est beau, c'est soumis. Beau. Vincent Cespedes est avec nous, je rappelle son dernier ouvrage, Oser la jeunesse, paru chez Flammarion, et on va aborder le dernier sujet. Carl Wilson a voulu comprendre l'énorme succès des artistes qu'il déteste, comme Céline Dion. Son essai intitulé Let's Talk About Love est sorti en 2007 et il vient seulement d'être traduit en français. Voilà donc de quoi démystifier les plus grands tubes. Tu sais, en bossant une demi-heure par jour, en 2-3 mois, je joue comme lui. Ça fait beaucoup d'effets comme ça, mais en fait, c'est archi simple. C'est basé sur une technique d'arpège et d'accords brisés. Et puis, harmoniquement, c'est très primaire, c'est des accords majeurs, des septièmes de dominante. Ah bon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Marc, c'est joli quand même. Ouais, mais enfin, pour un musicien, si tu veux, c'est pas très satisfaisant. Ça fait longtemps que tu fais de la musique? J'ai fait 4 ans de piano classique au conservatoire du 11e. Là, je bosse l'harmonica parce que c'est plus agréable, surtout quand on voyage beaucoup. Eh, dis donc, tu connais Michael est de retour? C'est Do, Fa, Sol. Vous aurez reconnu André Manoukian dans Les Bronzés, qui essaye de pécho, bien sûr. Alors, donc, dans cet ouvrage, hein, Let's Talk About Love, Carl Wilson, c'est donc son essai, explique que Céline Dion fait un carton planétaire depuis des années, puis ça continue. Et pourtant, elle est devenue pour lui un repère négatif. Et pas que pour lui d'ailleurs, aucun critique, voire aucun artiste, à part le réalisateur québécois Xavier Dolan, personne ne la défend. Et donc, lui se pose la question. question. Pourquoi est-ce que moi je déteste Céline Dion alors que des millions et des millions de gens aiment? Vous, Vincent Cespedes, vous êtes aussi musicien. Est-ce que aimer ou pas la musique, il y a une question de valeur, de mauvais goût? Est-ce que c'est une question que le philosophe se pose? C'est une question forcément qui m'obsède, parce que d'abord je philosophe en composant, je compose pour orchestre, pour film. Pour moi, philosophie et musique sont complètement liées. On a affaire à l'émotion pure dans la musique. Dans les chansons, c'est de l'émotion et ça peut être un peu idéologique parce qu'il y a du texte, donc on peut quand même faire bouger quelques lignes. Évidemment, le succès, le très grand succès, c'est un succès forcément populaire. Et donc, il y a un peu un mépris de classe qui souvent intervient lorsqu'on juge des succès populaires qui parlent d'amour, de cœur, de choses simples. C'est ce que je dis toujours. Je suis d'accord avec vous. Et les gens ici autour de la table, ils sont comme ça. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût ?» hein, c'est une question qu'on peut se poser. QFD. Marius ? Il y a un nivellement par le bas, en fait. À faire une musique moins élitiste, du coup, on touche le plus de gens possible. Oui, alors c'est peut-être pas comme ça que ça se fait, mais Manu Chao joue aussi avec 2-3 accords. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus élaboré par rapport aux albums de la Mano Negra à la fin. Il est revenu à un truc très simple. Et ça marche. Il y a un immense plaisir, j'imagine, pour l'artiste à voir sa musique, sa chanson populaire sur les lèvres des gens. Il y a des grands artistes disent, moi, le but du jeu, c'est que ça soit un air entraînant dans la tête. Donc, ils n'ont pas forcément l'envie de changer le monde, etc. Maintenant, j'ai été à une école où mon professeur me disait, moi aussi, je critiquais, il y a 3 accords. Il disait, ne critique jamais, c'est extrêmement difficile de faire des petites mélodies simples qu'on retient. Je crois que c'est vrai. On dira ça à Frédéric Fromet. Thomas VDB, vous qui avez des goûts pointus en musique. Non, je suis assez d'accord. Mais c'est marrant le titre « Pourquoi les autres ont si mauvais goût ?» parce que je me rends compte d'un truc, c'est que pour être fan de musique, très grand consommateur et tout, c'est vrai que j'ai l'impression des fois d'aimer un truc un peu pointu et dès que le grand public ou dès que beaucoup plus de gens se mettent à l'aimer, je me sens désapproprié de ce truc-là et j'ai tendance à moins l'aimer. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous aimez beaucoup moins Maître Gims. Exactement, c'était là la base. C'est moi qui l'ai lancé. Je vous renvoie aussi à un article, une double page dans Libération aujourd'hui si le sujet vous intéresse. Alex Vizorek, il n'y a pas de raison qu'un philosophe échappe à la comédie. Mais bien entendu, vous connaissez peut-être l'émission. À la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. Attention, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, Michel n'est plus l'entraîneur de Marseille. Et Michel, c'est quoi son nom de famille, nous demandait Charline dans le bureau tout à l'heure. Meilleur van c'est de la journée. Délation. Voilà. Et donc, il faut trouver un nouvel entraîneur. Et il s'avère que l'Olympique de Marseille a pensé à vous. Un philosophe dans les vestiaires, ça peut donner quelque chose. Bon, Guillaume et moi, on est joueurs à l'OM. Eman, t'es au courant qu'on a un nouveau coach? Ben ouais, j'ai appris, j'ai lu dans Philosophie Magazine. Bonjour, messieurs. Ah, coach, ouais, vous tombez bien. Tomber n'est pas une fin en soi, l'important c'est de se relever. Ouais, attends, qu'est-ce qu'il dit? Cherche pas, il est prise de tête, les gars. Messieurs, nous allons enrayer la spirale de l'échec, comme dit Heidegger. Non, attendez, on connaît pas tous les entraîneurs allemands, nous. Franchement, si vous pourrez parler normalement, c'est cool, parce que... C'est-à-dire, normalement? Bah, je sais pas, par exemple, je crois qu'il faut qu'on prenne match après match. Voilà, l'important c'est les 3 points. Je marque, mais ce qui compte c'est le collectif. Voilà. Cette dernière ne vous servira à rien puisque vous ne marquerez plus. Ah ouais, c'est vrai. La philo, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est bien cher. Ouais, c'est Finkel. Non, je vous parle de la philo, de Platon, Descartes, Sartre, Épicure. Épicure, on connaît. Ouais, du temps de Monsieur Tapie, franchement, il y en a eu plein d'Épicure. Ouais. Très bien, nous allons faire un test. Oula. Si je vous dis, je pense donc... Oula. Je pense donc, j'ai mal à la tête. Ouais, je pense donc, je shoot, je shoot. Et ouais, vous pouvez pas me citer un plus grand courant de pensée? Puisqu'on dit qu'on pense pas... Non. Oui, mais vous ne courez pas non plus. Le stoïcisme, par exemple, ça vous parle? Ah, stoïcisme, à Marseille, personne connaît. Personne. Hein. Par exemple, un arbitre, c'est un stoïque. Ah non, un arbitre, c'est un enculé. Pas forcément. Arbitrer, c'est ramener le cas particulier de l'acte de jeu à la généralité de la règle. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Rien, j'ai rien dit. Elle en pense quoi, Margarita Louis Dreyfus? Bah, elle est pas contente. Hein. Ah, Hegel, hein? Bah ouais. Hegel, vous avez dit Hegel? Bah ouais, Hegel, ouais. On est sauvés, vous connaissez des philosophes. Wow, on est sauvés! Excellent! Et avec Vincent Cespedes, la néo-résistance est entrée dans le vestiaire. Et ça, c'est fort quand même. Vous connaissez la blague des étudiants de philo? J'aime pas Kant, il se fiche de mes gueules. Ça fait beaucoup. Frédéric Fromet fait un AVC. Les formules de Vincent. Les formule de Vincent Céspedes. Merci d'être resté avec nous. On peut donc vous croiser à la Nuit debout, d'autant que vous n'êtes pas loin. Alors, je rappelle votre dernier ouvrage, Oser la jeunesse, c'est paru chez Flammarion. Et aussi, on vous invite à relire La philosophie est dans la rue, à propos de mai 68, mais la philosophie est encore dans la rue aujourd'hui avec Nuit debout, sur l'héritage de ce qui s'est passé. Et ça, c'est publié chez Larousse. Merci Vincent Céspedes. Merci. Je rappelle qu'on peut aussi vous suivre sur Facebook, oui, hein, où vous faites des petits films et où vous relayez vos articles et vos indignations. Merci. On va laisser le mot de la fin aux abstentionnistes qui ont décidé de se trouver un candidat. Pour avoir des chefs, on devrait voter. Non mais tu rigoles, les. Combien qu'on a des chefs, Tu veux que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi. Puis c'est tout.